Seul parmi les miens. J'ai tellement mal au crâne quand mes pensées s'expriment. Je prie pour oublier mais mon passé reste gris. J'ai mal moi, entre la tise et la déprime. Mon sang devient chaud pareil qu'on veut plus que je respire. La fatigue me crève à force de réfléchir. J'écris des textes en masse et puis le shit me fait dormir. Mes rêves sont plus parfaits, alors je vais m'attendrir. J'ai trouvé la femme parfaite, la zik me fait pas souffrir. J'attends quoi en fait, à force de me prendre la tête. Je trouve que le temps passe plus et trop de questions se répètent. Je lève mon troisième doigt vers le ciel parce que je reste sans réponse. Et je peux dire que tu as tort mec, si tu crois que je pionce. Pareil que la vie est courte et c'est déjà pas mal. Avec la mère qu'on vit, on croit que ça devient banal. Certains veulent me juger, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Moi j'ai peur et ma musique en piochant dans mon décor. Trop cruelle, mais je serais pas là aujourd'hui si elle avait été belle. Je repense aux jaloux, pensant qu'ils peuvent percer. Ils te boycottent à chaque fois pour te faire éloigner. Ma zik, je tremble dedans et ce depuis la maternelle. Étant petit, je kiffais déjà regarder jouer mon paternel. Il faut que je garde la tête haute sans monter sur l'échelle. Sortir les pieds de l'eau pour trouver le rayon de soleil. Place aux efforts irréalistes, ils te parlent de tolérance. On finit souvent tolard parce qu'il y a trop d'intolérants. Si on pouvait choisir et faire tout ce que l'on veut, on souhaiterait plus la bonne année accompagnée de meilleurs vœux. Mes yeux cherchent la paix dans un monde infidèle. Il faut rester ambitieux afin de trouver sa belle. L'éternel sourire forcé sous un bidon d'essence. Mon passé s'est passé, ce depuis ma naissance. Yeah, yeah.